On va parler de patinage de vitesse sur côte à piste. On devait lui parler hier des petits problèmes, des petits ennuis de santé pour notre ami François-Olivier Roberge, mais là, il revient en force cette semaine, ou aujourd'hui plutôt. Salut François! Salut, ouais, je parle du nez, mais j'aurais été encore plus Ah! du nez hier si on s'était parlé. Mais c'est des choses qui arrivent, François. Ouais, Ouais. surtout avec deux petits bébés, là, un de 22 mois puis un de 4. Fait que, ouais, la garderie, Effectivement. ça nous amène pas mal de microbes. Deux médailles pour Marianne. Ouais, super week-end à Shanghai pour notre équipe canadienne. Ouais. Je veux dire plus pour nos filles, hein, parce que. Kim Boutin, deux médailles d'or. Marianne, deux médailles, dont au 1000 mètres. Donc, au 1000, les filles ont fait 1 et 2. Kim 1, Marianne 2. Des doublés comme ça, c'est assez étonnant. C'est les deux Québécoises, les deux Canadiennes au sommet du podium là, international. C'est quelque chose. C'est vraiment. Les filles sont super bonnes. C'est très impressionnant. Là. Kim Boutin, ça fait 5 médailles cette saison. Marianne, ça fait 3 médailles. C'est tout qu'un début de saison olympique là, pour nos Canadiens. Est-ce que c'était prévu, Kim, ce que j'ai su aussi à travers les branches, tu me corrigeras si je me trompe, François, c'est que l'an dernier, avait comme un genre de burn-out. Est-ce que je me trompe en disant Non, non, c'est ça. a pris 6 mois de Dans le sport, vacances, puis là. on parle de surentraînement, mais ou de syndrome de surentraînement, parce que c'est comme c'est pas médicament, je sais pas le terme, je sais pas si c'est durable. En tout cas, le spectre est large. Donc, fait qu'on parle de surentraînement, puis l'an passé c'était ça, puis bon, là c'était son retour, son grand retour. Aux sélections olympiques, elle était super forte au mois d'août. Elle a remporté les sélections olympiques, mais on se rappellera que Marianne ne les a pas patinées parce qu'elle s'était blessée, elle a une commotion cérébrale juste avant. Donc on savait que Kim était forte, mais on savait pas situer où avec Marianne, puis on savait pas non plus si Marianne était encore, on sait jamais, est-ce qu'elle est encore la meilleure au monde, est-ce qu'elle est la meilleure Ben au monde. oui. Finalement, les deux sont pas mal dans les meilleurs au monde. Là, on peut conclure ça en disant qu'on se trompe pas vraiment, en disant que les deux sont pas mal au sommet de leur sport en ce moment. OK. Qu'est-ce que tu prévois pour Pyeongchang? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une belle rivalité, là, une rivalité saine entre les deux, là? Ben, je comprends que c'est une rivalité saine. Puis, le mode de qualification pré-olympique pour le Canada, je le trouve assez intelligent en qualifiant Ouais. l'équipe au mois d'août. Là, ils sont 5 gars, 5 filles. Puis en plus, avant, on parlait d'équipe provisoire parce que c'était 5 gars, 5 filles, mais l'équipe du relais devait se qualifier. Donc, les gars et les filles devaient qualifier le relais pour Pyeongchang parce que sinon, ça allait être seulement 3 gars et 3 filles. Puis là, avec les résultats qu'ils ont eu depuis le début de la saison, on peut confirmer que le relais est qualifié, donc que les 5 gars et les 5 filles du Canada vont aller aux Olympiques. Ben, Donc, eux, effectivement. ils sont ensemble depuis le mois d'août. OK. Ils s'entraînent ensemble, ils savent qu'ils vont aux Olympiques ensemble, ils travaillent ensemble, pas pour. Tu sais, Kim puis Marianne, leur but dans la vie, c'est pas battre Kim puis Marianne. Leur but dans la vie, c'est d'être les meilleurs au monde, puis ils travaillent ensemble pour faire ça. Puis je vois juste. Parce que pour moi, là, je vois du beau aux Olympiques avec la jeune Kim, le jeune Sam Girard, Ouais. l'expérience avec Charles et Marianne, puis les autres, hein, faut pas les oublier, là, c'est pas juste une équipe à 3-4, c'est toute l'équipe est en position d'avoir de très bons résultats. OK. Du côté du relais, ça a mal été, parmi eux, ont été disqualifiés, hein, chez les Ouais, filles. ben oui, pour aller finale, ils ont été disqualifiés. Mais bon, je lisais ce qu'ils ont dit un peu à gauche et à droite, puis c'est vrai que ça arrive. Surtout en ce moment, je pense qu'ils sont quand même en mode essayons différentes tactiques. Ils veulent pas juste faire une course où on essaye d'être en avant tout le long, puis on laisse les autres se battre, puis on verra à la fin. Ils veulent essayer différentes tactiques, différentes positions, se placer dans différents événements pour voir si ça arrive aux Olympiques, on va être prête. Donc là, ils ont été disqualifiés effectivement de la finale A, donc ils finissent le quatrième. Puis les gars, eux, ont fini troisième. Donc, pour les gars, c'est une fin de semaine plus difficile, le côté individuel. On a moins parlé parce que les filles ont été tellement bonnes qu'on a comme pas trop vu que les gars, Ouais. ça avait moins bien été. Mais les gars, le meilleur résultat des gars, ça a été Charles Hamelin au 500 mètres. Il a fini quatrième. Sinon, les gars n'ont pas eu un gros week-end, mais ils ont fini ça en force, là, en finissant troisième du relais. OK. Donc, bravo. Il y a aussi ce qu'il faut mentionner aussi, c'est Cassandra Brattel. Ça a été difficile pour Cassandra. Je pense qu'elle a été, si je me rappelle bien, j'en ai parlé hier dans mon bulletin sport local, elle a été disqualifiée en quart de finale du En quart 500 de mètres. finale. C'est ça, Ouais, hein? c'est exactement ça. Oui, OK. Donc, ça a été plus Ouais, difficile. elle a patiné juste le 500, puis elle a été disqualifiée encore, donc on peut pas effectivement dire que ça a été son meilleur week-end. Mais elle est de l'équipe de relais, par contre, là, pour Cassandra, c'est sûr qu'elle veut viser de participer à des courses individuelles au jeu, là, sans aucun doute. Mais ça reste que d'être de l'équipe du relais, d'être un membre fort de cette équipe-là, c'est quand même un gros mandat et une grosse tâche qui est quand même importante, là, parce que c'est clairement une médaille qu'on vise, puis c'est une médaille d'or qu'on vise au jeu, là, donc pour Cassandra, ça aussi c'est important. Parle-moi, mais hey, je veux que tu me parles de Laurent Dubreuil. Ça, c'est le fils de Robert Dubreuil, qui a été longtemps mon collaborateur en patinage de vitesse à Stavant François-Olivier de Roberge. Lui, apparemment, qui a réussi un exploit extraordinaire en fin de semaine. On parle du longue piste, là. Oui, donc on parle de patinage de vitesse longue piste. C'était la première Coupe du Monde de la saison. C'était à Heerenveen, aux Pays-Bas. Donc les Pays-Bas, c'est le pays maître C'est comme le hockey ici, patinage hein? de vitesse. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Là, les patineurs sont des professionnels dans des équipes pro. Ils ont des bons salaires. C'est vraiment différent. Nos patineurs de vitesse canadiens se promènent dans les rues, dans les villages, puis ils se font reconnaître. C'est vraiment comme le hockey ici. Puis c'est la Mecque du patinage de vitesse. Il y a 10 000 personnes dans les estrades. Ouf. C'est plein toute la journée. Ça crie. C'est vraiment une ambiance, là, ça se compare pas. C'est unique dans le monde. Puis donc, première compétition de la saison. Laurent Dubreuil au 500 mètres. Il y avait deux 500 mètres. Donc, a remporté le deuxième 500 mètres devant des Hollandais en plus. Donc, c'est sa première médaille d'or en Coupe du Monde. Il avait déjà fait des médailles dans le passé. Mais jamais de médaille d'or. Puis là, il commence la saison comme ça. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas un Québécois qui était Ça, monté c'est sur la plus Gaëtan haute marche du Boucher, hein? podium en Coupe du Monde. Ouais, Donc, c'est les non, exploits. c'était après, c'était Ouais, Sylvain OK. Bouchard. OK, c'est un peu plus tard. OK. En 98, un peu plus tard, ouais. Il y a eu Gaëtan, il y a eu Clara Hughes, qu'on dit québécoise parce qu'elle est affiliée à notre fédération. Puis il y a eu Sylvain Bouchard en 98. Donc, ça fait très longtemps. Puis bon, donc Laurent arrive là, il fait son 500 mètres, super course. Mais ce qui est fun avec Laurent, c'est que oui, il a eu une médaille ce week-end, mais Laurent est un patineur extrêmement constant. Il y a 3 ans, il avait eu une super saison, là. Il avait été de multiples reprises sur le podium, et puis il avait terminé la saison au deuxième rang du cumulatif de la saison. Puis toute la saison, il était constant, il était là. Puis comme l'an passé, toute la saison. Il était, comme exemple, il était top 10 toute la saison, mais genre 7, 8, 6, toujours à un dixième du podium environ. Je dis toujours, mais presque toujours à un dixième du podium. Puis là, il commence la saison au sommet. Fait qu'on peut pas dire qu'il va être toute la saison au sommet, mais en début de saison olympique comme ça, avec la constance de Laurent, on peut rêver. C'est vraiment une belle performance pour lui. Puis, ce qui est le fun, c'est que toute l'équipe, depuis plusieurs années, là, on parlait de un ou deux patineurs longue piste, puis depuis 2, 3 ans, ils sont une belle équipe de Québécois. Puis cette saison, à Heerenveen, là, il était 7 Québécois. C'est vraiment une grosse équipe qui va super bien. Puis en fin de semaine, c'est Laurent qui a été le leader. Puis en plus, il a joint ses efforts à Alexandre Saint-Jean puis Vincent Dehaître. Ils ont gagné le sprint par équipe, qui est un événement qui n'est pas un événement olympique, mais qui est quand même en Coupe du Monde. Donc, ils ont eu la médaille d'or avec le meilleur temps de l'histoire sur cette distance-là. Donc, c'est très, très fort pour notre équipe, puis pour Laurent, En en longue début de saison. piste, le développement en longue piste, dans les clubs actuellement, c'est beaucoup plus longue piste c'est beaucoup plus courte piste que longue piste, hein, en raison de la patinoire, Ouais, des. ben, en fait, c'est une question de. Ah oui, c'est ça. C'est une question d'infrastructure. Le courte-piste se pratique, ben, comme vous savez, là, dans des arénas. Au Québec, on en masse des arénas, donc le courte-piste se pratique là. Puis le longue-piste se pratique sur un anneau, donc c'est un 400 mètres. Au Québec, on en a un, mais c'est à 5 fois, puis c'est un anneau extérieur. Partout dans le monde, là, les équipes nationales s'entraînent dans des anneaux couverts. On en a un à Calgary. Puis là, il y en a un qui s'en vient à Québec, là, qui va prendre la place de l'anneau qui est embouché. Ça va être le Centre de glace de Québec qui est pour l'automne 2020. Donc après ça, tu sais, nous, la structure de développement des patineurs, c'est dans les clubs, on fait du courte-piste. Début d'adolescence, on peut toucher aux longues pistes. Adolescence, on peut faire des deux, tout ça. Puis c'est un peu plus tard qu'on va décider qu'on s'oriente vers la longue piste si on veut s'orienter vers la longue piste. Mais c'est pas un choix qui est urgent, là. De très bons exemples. On a plein d'exemples chaque année, mais cette année, il y a un patineur de Montréal, David Larue. Il a 18 ans, il a 19 ans. Okay. Ou 18-19 ans. L'an passé, c'est un patineur courte piste, puis l'an passé, il a commencé le longue piste comme ça, puis finalement, il est super bon. Puis là, il est en Coupe du Monde longue piste cette année, là. Donc on peut, c'est ça, c'est une exception, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut développer et on va développer des patineurs en courte piste qui vont un jour faire le choix du court ou du longue piste. OK. François, on s'en reparle vendredi? Oui, nos patineurs longue piste, courte piste sont à Séoul. Ils sont partis de Shanghai pour Séoul, sont arrivés, puis Coupe du Monde à Séoul. Puis bon, on parlait du longue piste, je vais le dire. La gang de longue piste sont à Stavanger en Norvège. OK. On se reparle vendredi, puis soigne ton rhume que ça aille mieux. Ça va aller mieux normalement. Je vais prendre des pastilles, puis je vais m'hydrater. François-Olivier Roberge, notre collaborateur de passage de vitesse sur Côte